Bonjour à tous. Merci d'être venu. En effet, en ce samedi matin. Alors, donc moi, je vais commencer par vous parler des sciences cognitives au service des démarches pédagogiques et des apprentissages. Alors, l'intervention, en fait, je l'ai structurée de la façon suivante. Dans un premier temps, je vais vous présenter d'une façon générale les apports des sciences cognitives en termes de mise en œuvre pédagogique, en termes d'apprentissage. Et puis, dans un second temps, je vous présenterai un modèle, en fait, entre guillemets, qu'on a proposé avec des collègues avec qui on a mené des recherches sur l'enseignement de la compréhension orale chez de jeunes élèves. Et ce modèle pédagogique, en fait, c'est un modèle qui vise à définir des composantes, en fait, de la construction d'une séquence pédagogique. Donc, j'illustrerai ce modèle avec ce que nous, on a mis en place pour l'enseignement de la compréhension orale. Donc, les travaux que j'évoquerai, en fait, s'inscrivent dans une perspective de recherche-action en ingénierie de la formation. C'est-à-dire que notre objectif concret, c'est de créer des outils de formation pour les enseignants. Mais je développerai un peu plus tout à l'heure. Donc, je vais commencer par une citation de Stanislas Dehaene. Les enseignants doivent devenir des experts de la dynamique cérébrale de leurs élèves. Personne ne devrait connaître mieux que les lois de la pensée en développement, les principes de l'attention et de la mémoire. Alors, pourquoi cette citation? En fait, tout simplement parce qu'on y retrouve bien l'idée que l'enseignant, pour pouvoir mettre en œuvre des pratiques pédagogiques tout à fait pertinentes, performantes, se doit de bien connaître le fonctionnement de ses élèves. Et c'est en ce sens-là que les sciences cognitives, on va le voir ensemble, peuvent être un levier fondamental pour les pratiques pédagogiques. Alors, si on cherche une définition des sciences cognitives, c'est quelque chose de très général, pas facile à définir de façon synthétique. J'ai emprunté cette définition à Tardif, Richard Bissonnette et Robichaud. En fait, donc les sciences cognitives, selon eux, sont des sciences qui étudient le fonctionnement général de la pensée et la manière dont celle-ci gère les connaissances, les sélectionne, les mémorise, les réutilise, etc. Donc on est bien ici avec un domaine de recherche qui peut s'appliquer directement aux pratiques pédagogiques, en tout cas qui peut être un bon soutien aux pratiques pédagogiques. Les objets d'étude des sciences cognitives sont de deux types. En fait, on peut les catégoriser de cette façon. D'abord, des recherches sur les activités mentales, en lien avec la mémoire, le langage, la conscience, etc. Et puis un autre domaine, qu'on a peut-être un peu plus de mal à associer a priori comme ça aux sciences cognitives, ce sont toutes les recherches qui concernent les émotions, les sensations, les représentations sociales, les interactions entre les personnes. En réalité, les sciences cognitives constituent une approche pluridisciplinaire. Une approche pluridisciplinaire du fonctionnement cognitif de l'individu. Et son objectif général est bien d'étudier en fait les implications de ce fonctionnement cognitif. Enfin, déjà, comment se met en œuvre le fonctionnement cognitif et ses implications, aussi bien dans les domaines affectifs, sociaux et cognitifs. Donc nous développons des travaux de recherche, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en lien avec les pratiques pédagogiques des enseignants, et surtout aussi en lien avec les capacités d'apprentissage des élèves, qui se trouvent à la croisée de ces deux objets d'étude, puisque j'essaierai de vous montrer tout à l'heure, en fait, qu'on essaie de fonder les pratiques pédagogiques sur la prise en compte du fonctionnement cognitif de l'élève pour l'amener à acquérir des compétences au niveau des interactions sociales et notamment de la communication. Donc, pour commencer à faire du lien de façon un peu plus précise entre les sciences cognitives et l'enseignement, l'activité d'enseignement, les pratiques pédagogiques, en fait, le lien, il est assez logique puisque les sciences cognitives nous proposent des modèles de fonctionnement de la cognition, aussi bien en ce qui concerne les connaissances acquises que les composantes qui permettent d'acquérir ces connaissances. Du coup, les sciences cognitives, en fait, permettent d'obtenir des informations précises sur les processus d'apprentissage. Et sur la base de ces informations, amenées par les recherches en sciences cognitives, les enseignants peuvent planifier, ajuster leurs interventions pédagogiques. Donc, sur la base de l'étude des processus cognitifs et des stratégies intellectuelles, en réalité, du point de vue des situations d'apprentissage, du point de vue de la formation des enseignants, on peut développer deux axes. Les apports se font dans deux directions. D'abord, permettre à l'élève de mieux apprendre, et également permettre à l'enseignant de mieux enseigner. Alors nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de combiner ces deux dimensions. Alors je vous expliquerai tout à l'heure plus précisément, mais ce qu'on propose en fait comme modèle de fonctionnement est un peu en porte-à-faux avec un courant pédagogique dont on parle beaucoup depuis quelques années, qui est l'enseignement explicite, qui nous vient notamment du Québec. Et ce courant de l'enseignement explicite, en fait, se place résolument du point de vue de l'enseignant. Ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est de se placer avant tout du point de vue de l'élève qui apprend. Et après, d'en déterminer les conséquences en termes de pratiques pédagogiques chez les enseignants. Le modèle qu'on a essayé d'élaborer s'inspire en fait de toutes les données issues d'un courant qu'on appelle le cognitivisme développemental. Et vous verrez qu'on s'inspire de travaux fondateurs, de travaux historiques en fait, et d'auteurs fondateurs. Et en fait, le cognitivisme développemental permet de répondre à un certain nombre de questions quand on s'intéresse aux pratiques pédagogiques des enseignants et au fonctionnement de l'élève en situation d'apprentissage. On peut trouver des réponses pour savoir ce qui se passe dans la tête de l'élève quand il apprend, comment l'élève acquiert-il de nouvelles informations, comment il les appréhende, comment les informations sont-elles mémorisées du point de vue de l'élève. Une fois qu'elles sont mémorisées, comment il peut aller les récupérer en mémoire dans un nouveau contexte, par exemple. Donc comment il peut transférer. Et puis un point que nous on a placé au centre de notre modélisation, c'est comment rendre l'élève autonome. Puisque l'objectif de tous ces apprentissages scolaires, c'est bien l'autonomie de l'élève. Voire l'autonomie de l'individu, plus tard. Et puis, du point de vue de l'enseignant, les sciences cognitives permettent également d'apporter des éléments d'information pour aider l'enseignant à mieux intervenir en classe, à mieux planifier ses enseignements, à les ajuster en fait au fonctionnement de l'élève en situation d'apprentissage. Donc maintenant, je vais expliquer un peu plus précisément en fait les liens qui existent de façon historique entre pédagogie et cognitivisme développemental. Et en réalité, il y a un certain nombre de principes qu'on applique à l'heure actuelle en matière de pédagogie qui sont issus du cognitivisme développemental. Alors, tout d'abord, dans ce cognitivisme développemental, on doit s'intéresser à l'approche piagétienne. Approche piagétienne, bien connue, dans les IEFM, dans les ESPE, dans les INSPE maintenant. Approche qui a aussi été décriée pendant toute une période, un peu détrônée par la découverte de Vygotsky notamment, et de ses apports. Et pourtant, l'approche piagétienne, en fait, nous apporte énormément en matière de pédagogie. Il ne s'agit pas ici d'entrer dans les débats, par exemple, autour du fait que Piaget n'a pas tenu compte de la dimension sociale, etc., de la situation. En réalité, il faut plutôt considérer tous ces courants comme complémentaires. Et pour ce qui est de l'approche piagétienne, il y a un principe qu'on a retiré des travaux de Piaget en termes de pédagogie et qu'on a transposé au niveau pédagogique, c'est l'idée que l'enfant construit ses connaissances en interagissant avec son environnement physique. Donc, quels sont les principes qu'on a retirés en fait, de cette idée-là, au niveau des apprentissages et de l'enseignement, ben, c'est tout simplement l'idée qu'il faut absolument favoriser les interactions entre l'enfant, l'élève, et son environnement physique. Ça signifie que l'enseignant doit procurer à l'élève des occasions d'apprendre au cours des interactions avec l'environnement physique. Je ne vais pas détailler aujourd'hui l'approche piagétienne, mais si on se réfère à la définition que Piaget a donnée de l'intelligence, en fait, l'intelligence, c'est une capacité d'adaptation à de nouvelles situations, donc à son environnement. Cette capacité d'adaptation, c'est ce qui va permettre à l'élève, à l'enfant, d'évoluer, d'acquérir de nouvelles connaissances. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'élève est confronté à une situation nouvelle qu'il n'a jamais rencontrée, pour laquelle il a à ce moment-là un fonctionnement intellectuel pas tout à fait adapté, on dit qu'il ne peut pas assimiler les nouveaux objets de son environnement à ses schémas mentaux, comme il ne peut pas les assimiler, puisque ses schémas mentaux ne sont pas encore tout à fait adaptés, il va devoir accommoder ses schémas mentaux. C'est-à-dire qu'il va devoir les modifier pour pouvoir assimiler les nouvelles données de son environnement. Dans ces cas-là, on dit que l'élève a résolu un déséquilibre entre lui et son environnement. Il va dépasser ce déséquilibre, il va vers un nouvel équilibre. Et c'est comme ça que l'élève progresse au fur et à mesure. Un exemple très simple. Si on prend un des premiers schémas mentaux, Piaget appelait ça des schèmes, un des premiers schémas mentaux qui existent chez l'enfant, celui de la préhension, c'est-à-dire la capacité à attraper et à manipuler des objets. À un moment donné, le schème de préhension, c'est-à-dire la représentation mentale de son activité de préhension, consiste pour le jeune enfant à attraper les objets à une seule main et les manipuler. L'enfant va être confronté à divers objets. Pour les objets les plus petits, les moins lourds, il est capable de les attraper à une seule main. On dit que tous ces objets-là, qu'il peut attraper à une seule main, sont assimilés dans son schéma de préhension. Et puis, à un moment donné, cet enfant peut être confronté à un objet plus lourd ou plus volumineux. Il n'arrivera pas à l'attraper à une seule main. Donc, il ne peut pas assimiler ce nouvel objet. Il va être obligé de modifier son schéma mental de préhension pour pouvoir attraper ce nouvel objet. Une des modifications possibles ici, c'est d'attraper l'objet avec les deux mains. On dit qu'il accommode son schéma de préhension. Et du coup, c'est la succession d'assimilation, d'accommodation qui font que l'enfant se développe au niveau intellectuel et acquiert des connaissances sur son environnement. En pédagogie, pour s'approcher au plus près de ce type de fonctionnement, en fait, il faut absolument confronter l'enfant à des situations problèmes. En fait, la situation problème crée un déséquilibre entre l'enfant et son environnement. Et l'enseignant est là pour l'accompagner dans le processus d'équilibration qui l'amènera à dépasser ce déséquilibre et donc à progresser. Je vous donnerai plus tard dans la présentation les exemples que nous, on a utilisés de situations-problèmes en matière de compréhension. Toujours dans le courant du cognitivisme développemental, un autre auteur de référence, donc Vygotsky, donc, quels sont les apports principaux, on va dire, de l'approche vygotskienne et quels sont surtout les principes qu'on en a retirés au niveau de la pédagogie? Alors, deux notions centrales. La zone proximale de développement et la notion de médiation. Ces deux notions, au niveau des apprentissages, ont apporté une dimension interactionniste, en fait, pour ce qui concerne l'apprentissage. C'est vrai que par rapport à Piaget, ici, avec l'approche de Vygotsky, on a l'adulte, en l'occurrence, en situation d'apprentissage, l'adulte qui devient médiateur des apprentissages. Et même si on s'appuie sur les apports de Vygotsky, en fait, on considère que les apprentissages doivent nécessairement se dérouler, en tout cas les premiers moments de l'apprentissage, doivent nécessairement se dérouler dans le cadre d'interactions, Alors, à l'heure actuelle, on élargit bien évidemment ces interactions. Ces interactions vont se dérouler assez souvent entre l'enseignant et les élèves, mais aussi assez souvent entre élèves. Donc, on a bien ici une dimension interactionniste de l'apprentissage. Et puis, un deuxième apport de cette approche vygotskienne en matière de pédagogie et en matière d'apprentissage, qui est moins exploité en réalité dans le cadre de la formation des enseignants la plupart du temps, c'est toutes les relations qui existent entre langage et apprentissage. Alors Vygotsky a étudié les relations entre langage, pensée et langage. Si on transpose aux situations d'apprentissage scolaire, en fait, ce qu'on peut retenir, notamment, c'est l'idée que le langage a une fonction de structuration de la pensée. Il a une fonction de communication, bien sûr, mais aussi une fonction de structuration de la pensée. Et notamment, une forme de langage qui aide à penser, qui aide à réfléchir, c'est le langage égocentrique. Le langage égocentrique, c'est quand on se parle à soi-même pour réfléchir. En réalité, cette forme de langage, on l'utilise spontanément, même nous en tant qu'adultes, dans des situations où on est en difficulté, la plupart du temps, quand on a perdu quelque chose. C'est samedi matin, vous devez venir à l'ESPE, vous ne trouvez plus vos clés de voiture. Dans un premier temps, vous stressez, puis dans un second temps, vous essayez de vous ressaisir, et quand vous essayez de vous ressaisir, très souvent, vous vous mettez à parler tout haut. Qu'est-ce que j'ai fait quand je suis rentré hier soir? Où je suis allé, etc. C'est ça le langage égocentrique qui nous aide à raisonner. Pour l'élève en situation d'apprentissage, c'est exactement la même chose, en fait. Un élève qui est en difficulté à un moment donné, pour dépasser cette difficulté, la plupart du temps, il va se parler à lui-même, il va réfléchir à haute voix. C'est très fréquent puisque la difficulté fait partie de l'apprentissage. Si on se réfère à l'idée de la zone proximale de développement, la zone proximale de développement, c'est la zone entre ce que l'élève est capable de faire tout seul à un moment donné et ce qu'on veut l'amener à devenir capable de faire seul un peu plus tard. Donc on se situe toujours un cran au-dessus de son niveau actuel. Et fatalement, ça implique un peu de difficulté. Pendant ces phases de difficulté, l'élève peut avoir besoin du langage égocentrique. D'ailleurs, un des problèmes à l'école à l'heure actuelle, c'est qu'à partir du CP, on a un peu trop souvent tendance, à demander aux élèves de travailler en silence. Et à ne pas... ça va vite devenir ingérable s'ils parlent tous tout seuls, mais on peut leur apprendre à parler tout bas, à se parler tout bas. Si on continue à exploiter ce lien entre langage et apprentissage en matière de structuration de la pensée, il y a aussi une autre pratique qu'on peut développer au niveau pédagogique, c'est amener les élèves à verbaliser pour expliquer leur procédure, par exemple. La verbalisation peut avoir un impact positif, un impact positif sur la clarté cognitive des élèves. Bon, voilà de façon vraiment très synthétique les apports de l'approche vygotskienne. Une autre approche dans le cognitivisme développemental, qui est dans la lignée directe de l'approche vygotskienne, la perspective de Brunner. Alors, si on doit retenir deux apports en fait, de l'approche brunnerienne, la première, c'est la notion de relation de tutelle et d'étayage. Donc la notion d'étayage fait référence à l'aide apportée par un expert à un novice. Alors, dans la définition, l'expertise ne se crée pas sur l'âge uniquement. En fait, un enfant peut très bien être tuteur d'un adulte dans un domaine particulier. Tous les usages du numérique, par exemple. Vous imaginez un enfant avec son grand-père ou sa grand-mère, par exemple. C'est de moins en moins vrai, mais ça peut se produire encore. Donc, à l'école, en matière de situation d'apprentissage, c'est la même chose. Il faut exploiter les deux modalités, les deux situations possibles, en fait, de relations expert-novice. C'est-à-dire, dans un certain nombre de cas, dans bon nombre de cas, c'est l'enseignant qui est l'expert et l'élève le novice, mais dans d'autres cas, on doit exploiter aussi les relations de tutelle entre élèves, où on choisit l'expert du fait de ses capacités supérieures dans un domaine particulier. En tout cas, cette relation de tutelle et cette notion d'étayage régissent les situations d'apprentissage et déterminent aussi des modalités pédagogiques particulières que l'enseignant doit exploiter. Ça, c'est un apport qui est bien connu de la perspective de Brunner. Le second apport que nous, on a extrait en fait de la perspective de Brunner, qui est peu exploité jusque-là en ces termes-là, c'est la notion de format d'interaction. Alors, dans les travaux de Brunner, à propos du développement de la communication chez le jeune enfant, le format d'interaction fait référence à des situations d'interaction qui se répètent très souvent entre l'adulte et l'enfant, avec toujours la même structure. En fait, il s'agit de routines interactives. Des routines qui se déroulent la plupart du temps dans des situations de soins ou de jeu entre l'adulte et le jeune enfant, le très jeune enfant. Et qui se répètent toujours à l'identique et que l'adulte fait évoluer très progressivement. Je vais vous donner un exemple de format d'interaction. Imaginez un enfant qui tous les jours prend son bain le soir avec son père, que son père lui donne le bain, il y a un canard jaune, il joue avec, et tous les jours, à un moment donné, le père appuie sur la tête du canard, l'enfonce dans l'eau, et lâche le canard ensuite pour dire « plouf, le revoilà le canard ». Ça se reproduit tous les soirs à l'identique. C'est un format d'interaction. Et tous les jours, l'enfant rigole de la même façon suite à ça. Des formats d'interaction, on en a énormément au quotidien, dans les situations de soins de l'enfant. Ça peut être aussi le parent, en fait, qui donne à manger à l'enfant dans sa chaise haute à la cuillère et qui, à chaque fois, à chaque repas, presque à chaque bouchée, avec la cuillère, fait un circuit particulier avec des circonvolutions qui amusent l'enfant, etc. Tout ça, ce sont des formats d'interaction. Alors, qu'est-ce que ça apporte à l'enfant ? En fait, ça lui apprend les bases de ces situations d'interaction. Par exemple, le fait qu'on agit ou qu'on intervient chacun son tour dans l'échange. Là, c'est le parent qui initie l'échange la plupart du temps, qui présente un comportement, l'enfant y répond, etc. Alors Brunner, il a beaucoup étudié le jeu de coucou. Le jeu de coucou qui se produit énormément dans les interactions entre l'adulte et l'enfant. Par exemple, au moment du change, ça arrive assez fréquemment avec un linge de l'enfant, avec un vêtement, etc. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, en fait, ces formats ont permis à l'enfant de développer des repères dans le déroulement de l'échange, puisqu'il est toujours stable, la structure est toujours la même, l'enfant développe des repères peu anticipés, et c'est ce qui va lui permettre, notamment à un moment donné, par exemple, de prendre lui-même l'initiative de l'échange. Alors, ce que nous, on a retiré de cette notion de format d'interaction, en termes de pédagogie, c'est qu'en fait, l'enseignant doit mettre en place des formats pédagogiques. Ça signifie que l'enseignant, dans ses pratiques pédagogiques, il doit présenter de la répétition, de la stabilité. C'est-à-dire mettre en place des activités qui présentent toujours la même structure de base, comme les formats d'interaction. Pourquoi c'est nécessaire, de notre point de vue ? C'est tout simplement parce que ces formats pédagogiques vont permettre à l'élève de développer des repères dans son environnement. Et le fait de développer des repères, pour l'être humain, en fait, c'est un facteur de développement incontournable. Tout être humain, quelle que soit la période de développement à laquelle il se situe, pour bien se développer, pour bien fonctionner sur le plan psychologique, il a besoin de repères et de stabilité. Pourquoi ? Parce que les repères stables rassurent. Les repères stables vont procurer à l'élève, ici en l'occurrence, la sécurité dont il a besoin pour oser apprendre. Et ça, ça vaut à tous les âges. Même en tant qu'adulte, on est très insécurisé quand on ne peut pas prévoir ce qui va arriver. Il n'y a rien de plus insécurisant qu'une personne qu'on qualifie de lunatique, par exemple, dans le langage courant. Il n'y a rien de plus insécurisant. On ne peut pas prévoir ses réactions. De notre point de vue, en fait, il faut que l'enseignant soit prévisible pour les élèves, pour qu'ils soient suffisamment sécurisés. Comme on l'a vu tout à l'heure, apprendre, ça implique de la difficulté. Donc pour les élèves, pour qu'ils puissent oser se mettre en difficulté, oser faire des erreurs, il faut qu'ils soient sécurisés. Et d'autant plus quand il s'agit d'élèves en difficulté d'apprentissage. Alors bien sûr, ces formats d'interaction, pour que les élèves progressent, il faut les amener à évoluer à un moment donné. C'est-à-dire que dans un premier temps, on respecte une structure identique, et dès que les élèves sont suffisamment sécurisés, on introduit de la nouveauté. On terminera dans ce courant du cognitivisme développemental avec l'approche néo-piagétienne, enfin, une des approches néo-piagétiennes, et notamment tous les travaux de Doise et Muni à la fin des années 90 concernant le conflit socio-cognitif, qui est un incontournable, qui est devenu un incontournable en matière de pédagogie. Alors là, pareil, on en a déduit déjà un certain nombre de principes au niveau pédagogique. On connaît tous plus ou moins la richesse de ces situations de conflits socio-cognitifs en matière d'apprentissage. Là où je voulais aller un petit peu plus loin, c'est en faisant le lien qui peut exister entre cette notion de conflit socio-cognitif et la coopération, en fait. Il faut absolument inscrire, quand on est enseignant, l'utilisation de ce conflit socio-cognitif dans un apprentissage coopératif. Parce qu'en fait, une des conditions de fonctionnement, ici, c'est qu'aucun des élèves ne soit remis en cause dans sa compétence, dans ces situations de conflit socio-cognitif. De façon très, très pratique, ça signifie qu'avant d'exploiter le conflit socio-cognitif, il faut vraiment travailler la coopération entre élèves. Il faut installer un esprit, entre guillemets, coopératif. Ce qui permettra, du coup, à chaque élève d'oser donner son point de vue sans avoir peur d'être jugé ou d'être mis en cause dans sa compétence. Donc voilà les principes qu'on peut retirer, en fait, du cognitivisme développemental, en tout cas ceux sur lesquels nous, on s'est appuyés. Pour essayer de réfléchir à un modèle qui permette de créer des séquences pédagogiques qui soient effectives, efficaces, enfin les plus efficaces possibles, on va dire, pour rester modeste. Donc, je vais vous présenter ce modèle, entre guillemets, pédagogique, issu des sciences cognitives, et qui concerne en fait l'apprentissage explicite. Alors, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, donc l'apprentissage explicite, non pas par opposition, mais en différenciation, on va dire, de l'approche par l'enseignement explicite. C'est-à-dire qu'on a volontairement choisi l'entrée, comme je le disais tout à l'heure, du point de vue de l'élève, donc l'apprentissage explicite. Alors, je vais vous préciser tout de suite pourquoi on n'adhère pas, en fait, à cette notion d'enseignement explicite telle qu'elle est proposée dans la perspective de Gauthier, Bissonnette et Richard, notamment. Ce à quoi nous n'adhérons pas, c'est le modelage. Je ne sais pas si vous connaissez cette approche en termes de modelage. En fait, dans l'enseignement explicite, la première étape consiste en un modelage, c'est-à-dire que l'enseignant se donne en modèle à ses élèves. C'est-à-dire que la procédure, par exemple, quand il s'agit d'acquérir une procédure, l'enseignant montre aux élèves comment lui applique la procédure, comment il fait. La critique que nous émettons à l'égard de cette... Enfin, il y a plusieurs critiques à l'égard de ce modelage, c'est qu'on en arrive assez souvent dans la façon en tout cas dans la façon dont c'est mis en œuvre à l'heure actuelle, en classe parfois, à un simple apprentissage par imitation. L'élève ne construit pas lui-même la procédure. Et cet apprentissage par imitation, en fait, peut montrer des limites au moment de transférer. C'est-à-dire que l'élève n'est pas en mesure de transférer à des situations nouvelles. Donc, ça, c'est une des limites hein, qu'on a pu observer. C'est un point de vue, après c'est un choix, hein, c'est un point de vue théorique, bien évidemment. Autre limite, c'est que cette phase de modelage qui se fait à l'oral ou par démonstration, pour moi qui ai l'habitude de voir fonctionner des élèves en grande difficulté d'apprentissage avec des enseignants qui sont spécialisés, en fait, ce que j'ai pu voir notamment l'an dernier à plusieurs reprises, c'est que la phase de modelage est trop longue à l'oral, collective, pour des élèves en grande difficulté d'apprentissage, et d'autant plus pour des élèves qui présentent des troubles, des fonctions cognitives, hein, par exemple. On est sur quelque chose qui est trop coûteux au niveau cognitif et au niveau attentionnel pour ces élèves-là. Alors ça peut fonctionner si on le met en place dans le cadre de procédures de base, une technique opératoire par exemple, en mathématiques, où là ça va être assez bref, ça peut fonctionner, et encore. Je vois des têtes qui... et encore, mais bon, ça fonctionne mieux, on va dire. Mais... pour le domaine que je vais vous utiliser à titre d'exemple ici, par exemple une procédure complète de compréhension, il y a deux enseignantes qui l'ont testé avec des élèves en grande difficulté l'an dernier. Visiblement, ça n'était pas adapté, en tout cas pour ce public-là, à ce moment-là. Autre limite, c'est la phase en fait, qui suit le modelage, qui est une phase de guidage, qui implique uniquement, une fois de plus, la relation enseignant-élève. En fait, dans cette démarche d'enseignement explicite, il y a très peu de moments où on sollicite, en tout cas dans le modèle, hein, dans la modélisation, très peu de moments où on sollicite les situations d'interaction entre élèves. Voilà. Mais je vous dis, c'est vraiment notre point de vue. Après, vous avez une totale liberté en matière de choix pédagogique, hein, bien évidemment. Donc, je vais vous expliquer en fait comment on a tenté de modéliser et de proposer une démarche qui puisse rendre effectif l'apprentissage explicite du point de vue de l'élève. Alors, l'apprentissage explicite, en fait, c'est d'une façon très générale le fait que l'élève soit conscient de tout ce qu'il apprend à tout moment pour qu'il soit capable de le transférer. Je vais vous expliquer ça en détail. Alors, dans la perspective d'un apprentissage explicite, il y a un double objectif pour l'enseignant. Le premier, c'est le fait que l'enseignant doit toujours viser l'autonomie cognitive de l'élève. Bon, une autonomie cognitive qui passe, bien sûr, en amont par une autonomie affective. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut, pour amener l'élève à être autonome au niveau cognitif, il faut d'abord qu'on installe une sécurisation affective pour qu'il ose se lancer dans les apprentissages. Et le deuxième objectif, une fois que l'autonomie cognitive est effective, c'est le transfert. En fait, l'enseignant doit toujours se projeter et projeter l'élève dans des situations futures et se dire « il faut que je l'amène à être capable de transférer ses savoirs, ses savoir-faire, ses savoir-être dans de nouvelles situations ». Donc, une démarche qui se place du point de vue de l'enseignant, de l'élève, pardon, qui apprend. Et donc, pour illustrer, je vais vous présenter donc une recherche qu'on a menée auprès d'élèves de grande section et cours préparatoire. C'est une recherche qui s'inscrit dans un contexte général de lutte contre l'illettrisme et qui vise à trouver un moyen de faire de la prévention à l'illettrisme très tôt, dès la maternelle. Et une recherche qui a été menée donc sur la ville de Saint-Quentin dans l'Aisne. Alors le contexte n'est pas choisi au hasard en fait. Je ne sais pas si vous connaissez les chiffres de l'illettrisme. Bon, en moyenne, le taux d'illettrisme en France est de 7%. Ça c'est la moyenne nationale à peu près. au dernier recensement des personnes en situation d'illettrisme, le Nord et le Pas-de-Calais présentaient un taux d'illettrisme de 11%, donc 4 points au-dessus de la moyenne nationale. Et la Picardie, et notamment le département de l'Aisne où on a mené la recherche, présente un taux d'illettrisme de 13%. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, dans le Nord-Pas-de-Calais, 11% des individus en situation d'illettrisme, ça représente 270 000 personnes. Et en Picardie, où la densité de population est moindre, ça représente 150 000 personnes. Mais en regard de la densité de population, c'est considérable. Donc on est dans une région où l'illettrisme est une préoccupation évidente, une priorité en tout cas dans l'Académie d'Amiens, c'est la priorité pour l'Académie d'Amiens. Donc on a essayé de mener cette recherche pour essayer de trouver un moyen d'essayer de faire de la prévention à l'illettrisme. Et pour faire très, très synthétique, en fait, on s'est appuyé sur des travaux, en tout cas les réflexions de Maryse Bianco, qui a mis en évidence le fait que les procédures de compréhension sont quasiment identiques à l'oral et à l'écrit, au niveau langagier. Et ça, c'est un élément sur lequel on s'est appuyé, puisqu'en réalité, quand on parle d'un individu en situation d'illettrisme, il ne s'agit pas toujours de personnes qui ne savent pas du tout décoder ce qu'elles lisent. Parmi ceux qui sont en situation d'illettrisme, un certain nombre savent décoder, mais difficilement. Et du coup, ce qui leur fait défaut, c'est l'accès au sens, la compréhension de ce qu'ils lisent. Donc, l'illettrisme, c'est pas uniquement ne pas savoir décoder. L'illettrisme, la plupart du temps, c'est ne pas comprendre ce qu'on décode. Dans les tests de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, il y a, par exemple, et aux journées nationales, au niveau de journée nationale citoyenne, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, bref, pendant ces journées nationales pour les jeunes, il y a un test qui consiste à comprendre un programme de cinéma, par exemple. Et parmi tous ces jeunes, vous en avez, la plupart décodent, mais ne savent pas comprendre, en fait, ce qu'ils lisent, hein, pour ceux qui sont identifiés en situation d'illettrisme. Donc nous, du coup, en fait, on est parti de l'idée que il y aurait peut-être moyen de faire de la prévention à l'illettrisme très tôt en maternelle, en travaillant déjà la procédure de compréhension à l'oral. Si l'élève a déjà une procédure de compréhension à l'oral dès la grande section, quand il va entrer dans l'apprentissage de la lecture, on va pouvoir focaliser sur le décodage. Et la procédure de compréhension, ce qui va alléger considérablement, on va avoir uniquement, entre guillemets, à l'aider à la transférer de l'oral à l'écrit. C'est en ce sens-là qu'on pense qu'on peut faire de la prévention à l'illettrisme dès la grande section. Et puis, il y a un autre axe qu'on n'a pas encore tout à fait développé, c'est la compréhension orale en tant que remédiation aux difficultés d'apprentissage avec des élèves plus âgés, c'est-à-dire des élèves plus âgés qui sont en grande difficulté pour apprendre à décoder, donc qui n'accèdent pas au sens. Pour ces élèves-là, pendant un temps, même s'ils sont au collège, en SECPA par exemple, pendant un temps, prendre le risque, entre guillemets, pour l'enseignant, de ne plus travailler la compréhension à l'écrit, mais de la retravailler à l'oral, puisqu'en général ils sont meilleurs à l'oral. Pour l'écrit, mettre l'accent sur le décodage, et quand ils sont prêts, la procédure acquise à l'oral est transférée à l'écrit. Ça, c'est l'axe remédiation. Donc on a deux axes, prévention et remédiation. Alors, si on revient à cet apprentissage explicite, en lien avec la démarche pédagogique de l'enseignant, il y a un prérequis qui nous semble incontournable, c'est que l'enseignant maîtrise lui-même parfaitement les connaissances qu'il veut faire acquérir à ses élèves. Ça paraît évident. Par exemple, pour la séquence que nous, on a testée, donc on a construit une séquence de 12 séances qu'on a donnée clé en main aux enseignants, eux qui ont participé, et cette séquence visait l'apprentissage d'une procédure de compréhension du langage implicite à l'oral. Pour construire une séquence pédagogique telle que celle-là, la première chose, le prérequis, ici, c'est que l'enseignant sache comment se formalise la procédure de compréhension de l'implicite. Et nous, on a travaillé ici plus spécifiquement sur ce qu'on appelle la compréhension du langage non littéral, c'est-à-dire toutes ces formes langagières pour lesquelles il y a un décalage entre ce qu'on dit et ce que cela veut dire en contexte. On a utilisé les expressions idiomatiques, telles que « tomber dans les pommes », par exemple, des allusions, donc des demandes indirectes. Imaginez qu'il y ait du brouhaha dans le couloir, je regarde les personnes qui sont assises à côté de la porte, je leur dis « on ne s'entend plus ». Dans ce contexte-là, ça peut être interprété comme une demande de fermer la porte, par exemple. Ça, c'est une allusion. C'est la forme la plus indirecte de demande qui existe. Et puis, on a utilisé aussi l'ironie, qui est l'exemple de décalage extrême. C'était pour de faux. C'est l'exemple de décalage extrême entre ce qu'on dit et ce que ça veut dire, puisque dans l'ironie, on dit l'inverse de ce qu'on veut signifier. Et ça, l'ironie, un enfant, en contexte familier, il peut la comprendre assez rapidement. Donc, imaginez un enfant, vous rentrez, l'enfant est en train d'écrire sur le mur de la cuisine, tranquillement. Si vous lui dites, continue surtout, très rapidement, il comprend qu'il ne faut surtout pas continuer. Bon, ça, c'est du langage non littéral. Donc, on a essayé de faire acquérir aux élèves une procédure de compréhension du langage implicite en utilisant ce langage non littéral comme support pédagogique. Donc, première étape et prérequis, ce que je vous disais tout à l'heure, bien connaître la procédure telle que l'élève va devoir la développer, l'acquérir. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut que l'enseignant soit bien au clair lui-même avec ce qu'il veut faire acquérir aux élèves. Donc là, alors nous, on a pris un domaine qui n'avait pas été investigué encore, pas encore formalisé, mais la plupart du temps, pour les enseignants, heureusement, les formalisations comme celle-là existent dans la littérature, il ne faut pas tout réinventer. Bon, je ne vais pas développer ce modèle, ce n'est pas l'objet de l'intervention de ce matin, simplement vous dire que sur la base des trois étapes de cette modélisation, en fait, on a structuré la séquence pédagogique. C'est-à-dire que dans un premier temps, les premières séances visaient à faire acquérir aux élèves des compétences à propos du fonctionnement du langage, des compétences métalangagières. Et notamment, la connaissance incontournable ici pour les élèves, c'est qu'un même énoncé peut avoir des significations différentes et que la signification varie en fonction du contexte de production. Ensuite, la deuxième phase de la procédure, c'est que pour comprendre l'implicite, on doit faire des inférences, des déductions. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement faire une inférence? C'est ça que l'enseignant doit maîtriser. L'enseignant doit maîtriser, en fait, la procédure d'inférence. C'est, pour faire une inférence, on doit prendre des indices dans ce qu'on entend ou dans ce qu'on lit quand c'est à l'écrit. Ces indices peuvent être de différents types. Ils peuvent être linguistiques, c'est-à-dire donnés dans le discours, le lexique, la syntaxe. Ils peuvent être paralinguistiques, l'intonation, les mimiques, etc. Ou extralinguistiques, ça c'est tout ce qui réfère au contexte. Le lieu, le moment, etc. Les personnages, les interlocuteurs, leurs émotions, etc. Quand on est dans du langage implicite, ces indices fournis ne sont pas suffisants pour comprendre. Et c'est là qu'intervient l'inférence, c'est-à-dire que ces indices, on va les confronter avec nos connaissances antérieures, à propos des situations notamment. Et c'est ça qu'on appelle le processus inférentiel. Sur la base des indices pris dans la situation, confrontés à nos connaissances antérieures, on déduit la signification. Donc ça, les séances suivantes avaient pour objectif d'installer, de construire avec les élèves la procédure, le processus, pardon, d'inférence. Et puis la troisième phase, qui réfère à l'autonomie cognitive, c'est-à-dire apprendre aux élèves à être autonomes en vérifiant bien les indices qu'ils prennent, la signification qu'ils construisent, etc. Alors, on l'a mis en phase en troisième phase, en réalité, l'autonomie cognitive, elle se travaille tout au long des séances. C'est pas travaillé uniquement à la fin de la séquence. Alors, on a défini, identifié six principes pour mettre en œuvre l'apprentissage explicite chez l'élève. Alors, je vais les reprendre, hein, un à un, ces principes. Le premier, donc, ce sont des principes qui ont régi, en fait, la construction de notre séquence pédagogique. Le premier, donc, c'est l'idée de viser toujours un apprentissage explicite des procédures, et là, de compréhension, en s'appuyant sur une formalisation progressive de la procédure. L'objectif final doit toujours être le transfert. Donc ici, en fait, l'idée, c'est que l'enseignant fasse émerger les procédures en confrontant les élèves à des situations problèmes dans plusieurs contextes. Deux exemples de situations problèmes qui réfèrent à l'acquisition de la connaissance métalangagière sur un même énoncé peut avoir deux significations. Première situation problème, dimanche dernier, la dame se promenait dans le verger. Il faisait très chaud, c'était le début de la cueillette des pommes. Il y avait plein de cajots de pommes partout, plein de caisses de pommes partout. Tout à coup, la dame est tombée dans les pommes. À ton avis, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Donc vous avez identifié le problème, les deux significations sont possibles. Donc l'idée, c'était d'amener les élèves à échanger, à prendre conscience en fait du fait que ce qui nous permettait de trancher, ou non d'ailleurs, entre les deux significations, c'était les indices fournis par le contexte, par la situation. Donc il y avait une première phase où chaque élève donnait son interprétation, on discutait de pourquoi les deux étaient possibles, et dans un second temps, les élèves étaient mis en groupe et devaient re-raconter l'histoire pour les uns, pour être sûr que la dame soit tombée dans les pommes, c'est-à-dire qu'elle se soit évanouie, et les autres groupes avaient pour mission de re-raconter l'histoire pour être sûr que la dame était tombée effectivement dans des cajots de pommes. Donc ça, c'est ce qui permet de faire émerger la connaissance ou la procédure. Bon, juste le deuxième exemple sur le même principe. Théo a renversé son jus d'orange, il en a mis partout sur la table du salon. La table est toute sale et il a peur de se faire gronder. Son père le regarde et lui dit « Bon, je passe l'éponge ». Donc, même cas de figure, les deux significations sont possibles. En fait, on s'est appuyé sur les propositions de Romain Ville à propos du processus de transfert. Ce que je viens de vous donner comme exemple, en fait, permet de contextualiser ici, à plusieurs reprises, une même connaissance métalangagière, voire une même procédure, puisqu'en fait, on a travaillé aussi la prise d'indices dans cet exemple-là. Sur la base de ces contextes, de ces contextualisations successives. Et on a fait exactement la même chose pour l'ensemble de la procédure. Donc pour la prise des différents indices, pour la confrontation aux connaissances antérieures, à chaque fois on a placé l'élève dans plusieurs contextualisations. Pour l'inférence, en fait, on a proposé aux élèves des histoires dans lesquelles on avait inséré des énoncés non littéraux. On a créé un petit album, en fait. Et à chaque fois, on a formalisé la procédure au fur et à mesure avec les élèves. En tout cas, les enseignantes l'ont fait. La formalisation sur la base des différentes contextualisations, c'est ce qu'on appelle la décontextualisation. C'est-à-dire que petit à petit, on amène l'élève, on l'accompagne dans la généralisation de la procédure. Ça peut paraître paradoxal au début, c'est-à-dire que sur la base de la contextualisation, on les aide à décontextualiser. En leur montrant qu'on utilise la même procédure dans différents contextes, on leur démontre qu'on peut la généraliser, cette procédure. Et c'est cette généralisation qui permettra de recontextualiser, donc de transférer. Donc juste à titre d'exemple, au fur et à mesure des 12 séances, on a amené les élèves à formaliser la procédure de compréhension du langage implicite à l'oral. De cette façon-là, Donc les pictos ont été amenés au fur et à mesure, et au bout de 9 séances sur les 12, la procédure générale a été construite avec les élèves. Ça, c'est ce qu'on appelle la formalisation de la procédure. Il faut absolument que l'enseignant formalise les procédures, trouve un moyen de formaliser concrètement les procédures pour les élèves. D'autant plus, il s'agit d'élèves en difficulté. Pour le second principe, on a veillé à ce que la démarche pédagogique qu'on proposait s'appuie sur l'ensemble des composantes de la mémoire. C'est-à-dire qu'on a veillé à bien accompagner l'élève dans la catégorisation des connaissances, par exemple, pour qu'il puisse bien les récupérer en mémoire plus tard, ajouter des indices aux différentes informations, pareil, pour l'aider à les récupérer plus tard. Alors, je ne vais pas redétailler le processus de mémorisation, simplement vous montrer une illustration pour vous montrer qu'on peut le faire de façon simple et que ça s'appuie sur des choses que les enseignants font déjà en classe, mais de façon intuitive souvent. Donc là, par exemple, pour aider l'élève à associer des indices sensoriels, on a utilisé les pictogrammes, un grand classique. Ces pictogrammes qui permettent également de catégoriser les différents types d'indices. La maison, c'est où ? Ensuite, on a le calendrier en référence au temps, et puis les participants en référence au personnage. Donc là, il s'agissait, par exemple, d'une séance sur la reconnaissance des émotions, puisqu'en fait, pour comprendre l'implicite, il faut être capable d'attribuer un état psychologique soit à l'interlocuteur, soit au personnage. Ici, on travaillait dans le cadre d'histoires lues aux enfants, donc les personnages. Autre exemple de catégorisation des connaissances, au niveau lexical, les termes relevés dans l'histoire qui font référence à la colère. Et ce qui est très important pour apprendre aux élèves à comprendre et qui les aidera à comprendre plus tard, pour rechercher des indices, c'est le pourquoi de l'état émotionnel. C'est pas tant la reconnaissance de l'émotion, c'est pourquoi le personnage est dans cet état émotionnel-là. Et c'est ça qu'on travaille quand on travaille la compréhension de l'implicite. Pour le troisième principe, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, c'est le fait de travailler l'autonomie cognitive. Il faut que ce soit au cœur des apprentissages. De façon concrète, ça revient à travailler la régulation métacognitive, apprendre à l'élève à s'auto-réguler. Et ça, on est convaincu que ça doit commencer dès la maternelle. Donc, de la même façon, je ne développe pas tout ce qui est définition générale. J'illustre, par exemple, dans nos séances, pour amener les enseignantes à travailler l'autorégulation cognitive, on avait précisé des consignes. Donc, je vais vous relire l'histoire et vous lèverez la main dès que vous entendrez un indice. Un indice qui permet à coup sûr de dire où et quand se déroule l'histoire. Et qui sont les personnages. C'est ce qui nous permettra de vérifier vos réponses. Donc on introduit la notion de vérification à chaque fois. Et après, donc l'enseignante lit l'histoire, elle montre les illustrations, et deux cas de figure sont possibles. Un indice est repéré qui va permettre de valider la réponse, ou alors un indice est repéré mais ne permet pas de valider la réponse. Donc, pour chaque indice repéré, dans un premier temps, l'enseignante va amener les élèves à réfléchir sur est-ce que cet indice est vraiment pertinent, est-ce qu'il nous permet de répondre avec 100% de fiabilité. Et dans un second temps, bien évidemment, c'était l'enseignante qui validait si les élèves n'arrivaient pas à trancher. Mais l'idée, c'est bien d'amener les élèves à toujours s'auto-vérifier, s'auto-réguler dans la tâche. Forcément, ça nécessite l'accompagnement de l'enseignant au départ. Et ça, en fait, là, on a vu que ça pouvait se travailler dès la maternelle. Et ça doit se travailler dès la maternelle. Le quatrième principe, c'est en lien avec ce que j'ai développé tout à l'heure sur les limites du modelage, en fait. Limites du modelage et des situations trop modélisantes pour les élèves. Donc nous, on est parti du principe que la construction de la séquence pédagogique, en fait, ne devait pas donner lieu à des situations modélisantes. Il faut plutôt privilégier l'étayage et le guidage au sens de Brunner, en fait, basé sur des interactions élève-enseignant ou entre élèves, et en allant jusqu'aux situations de conflits socio-cognitifs. Alors, on se rend compte assez rapidement que la situation problème se prête parfaitement à travailler cette approche, enfin dans le cadre de cette approche, puisqu'elle va permettre d'amener à des confrontations de points de vue entre les élèves. Et dans les situations qu'on a proposées, donc là, l'enseignant est bien envisagé uniquement comme un médiateur. Il est là pour les aider à structurer leur démarche, structurer leur réflexion. Et la médiation de l'enseignant, là, dans l'exemple avec lequel j'illustre ces principes, est bien d'amener, l'objectif de cette médiation de l'enseignant est bien d'amener les élèves à acquérir au fur et à mesure la procédure experte de compréhension. Un exemple, une fois de plus, de situation qui amène à la confrontation de points de vue. Donc ça, c'est juste l'album qu'on a créé pour cette recherche et qui comporte des histoires qui comportent elles-mêmes à chaque fois au moins une expression non littérale. Un exemple d'histoire, donc en entrant en classe au coin regroupement, Camille aperçoit un nouveau visage. Elle se retourne vers son amie Nora et lui dit « Elle a l'air sympa la nouvelle, tu ne trouves pas ?»« Bof, je n'aime pas sa robe et ses cheveux sont trop longs », répond Nora. En fait, Nora est un peu jalouse car elle veut rester la seule meilleure amie de Camille. Mais Manon, la nouvelle élève, a tout entendu. Énervée, elle regarde Nora et lui dit « Toi, arrête de me chercher des poux dans la tête. » Donc là, la question, bien évidemment, que veut dire Manon ? Et sur la page suivante, en fait, sont illustrées les deux significations possibles. Donc les enseignantes avaient l'album et elles avaient également ces deux pages plastifiées pour travailler avec les élèves. Et elles amenaient les élèves à donner chacun leur point de vue, qui pensait que Manon voulait que Nora arrête de lui chercher des petites bêtes dans les cheveux, donc on ne reprend pas le terme de poux, surtout pour ne pas orienter, ou que Manon voulait que Nora arrête de lui chercher des problèmes pour rien. Et les élèves donnaient leur point de vue et étaient amenés à échanger, à confronter leur point de vue, jusqu'à ce qu'on arrive à trancher, en fait, et en expliquant sur la base de quels indices. Cinquième principe, incontournable dans une séquence pédagogique, systématiser les connaissances et les procédures acquises. Entraîner les élèves. L'objectif, c'est de renforcer les notions acquises, renforcer la maîtrise de ces notions. Faciliter la mémorisation de ces notions. Et plus on systématise, plus on libère de la place pour de nouvelles acquisitions ou du transfert. Un autre avantage que nous, on voit dans ces phases d'entraînement et de systématisation, c'est que comme les élèves connaissent parfaitement le déroulement, connaissent parfaitement les attendus, ils deviennent capables petit à petit de s'auto-évaluer dans ces situations-là. Donc on peut systématiser aussi ces démarches d'auto-évaluation et d'auto-régulation. Un exemple d'activité qu'on a utilisé pour systématiser, renforcer la procédure de prise d'indices. Donc on travaillait la compréhension orale. Les procédures de compréhension sont quasi identiques à l'oral et à l'écrit, mais elles sont aussi quasi identiques avec la lecture d'images. Donc là, les élèves étaient mis en autonomie et systématisaient la prise d'indices sur images. Donc on a, je ne voulais pas préciser, mais pour construire cette séquence, on a essayé d'être au plus près en fait, des conditions réelles d'exercice des enseignants. C'est-à-dire que notre séquence, on l'a construite pour un groupe classe complet, avec des moments de travail en groupe avec l'enseignant en autonomie, et on a respecté aussi les petits moyens dont disposaient la plupart des enseignants, c'est-à-dire qu'on a cherché des supports libres de droit, accessibles gratuitement, etc. Et que l'objectif, c'est de mettre la séquence à disposition gracieusement des enseignants. Je toucherai juste deux mots tout à l'heure. Un autre exemple, donc un élève avait la figure, devait la faire reproduire à un autre. Donc là, on met les élèves en situation de produire les indices pertinents. Et l'intérêt de ces situations-là, notamment, c'est que le résultat permet tout de suite de savoir si celui qui a donné les consignes avait utilisé les bons indices. On voit tout de suite le résultat final. Et tout ça, c'était en autonomie. Le dernier principe, que j'ai déjà développé au début avec les formats pédagogiques, je ne vais pas le redévelopper. On l'a mis en dernier. Aujourd'hui, on se dit qu'on aurait dû le mettre en premier, celui-là. Une démarche pédagogique qui, dans sa structure, vise à procurer aux élèves les conditions d'un environnement affectif favorable aux apprentissages. Ça renvoie à la notion de sécurisation des élèves pour qu'ils puissent oser apprendre. Et là, en fait, nous, on l'a opérationnalisé en créant des trames de séances qui respectent quasiment tout le temps le même déroulement. Et à l'intérieur des séances, on a des activités qui vont se répéter à l'identique également dans leur structure et dont on a fait évoluer le contenu en termes de difficultés au fur et à mesure. Mais d'abord, on installe une structure stable, régulière. Et après, on fait évoluer le niveau de difficulté. Alors, je ne vous ai pas présenté l'ensemble de notre démarche, de notre expérimentation. Je m'en suis servi à titre d'illustration aujourd'hui. Je voulais juste vous informer que dans quelques semaines, en fait, ce travail va donner lieu à une plateforme de formation des enseignants qui s'appellera ImpliciBox, en fait, et qui sera hébergé dans un premier temps sur le site de l'Académie d'Amiens, mais qui sera accessible à tous les enseignants. Et on est pour parler avec l'Académie de Lille. Voilà. C'est un peu plus long. Donc voilà. Donc c'est une plateforme qui sera accessible à toutes les personnes qui ont une adresse académique, une adresse universitaire, donc les enseignants-chercheurs, les étudiants. Et l'objectif, c'est de mettre à disposition le matériel pédagogique, la séquence, l'album, un outil d'évaluation des capacités inférentielles qui s'utilise sur tablette, et puis toutes les dernières données issues de la recherche concernant la compréhension. Ça a vraiment vocation de formation, en fait, pour les enseignants. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. Thank you.